Mais j'entends déjà, et je le sais que c'est dans ma tête, là, mais j'entends déjà dans certains foyers, à quelque part, un peu partout au Québec, dire « Ouais, on va y mettre au pas. Ouais, ils vont comprendre. » Ça changera rien, là. Gilbert Lavoie dans le soleil, ce qu'il nous raconte, ça va arriver encore dans 2 mois. Il y a un chauffeur de taxi qui va essayer de vous convaincre de vous convertir. Vous n'aimez pas le voir, je suis désolé, vous allez en voir de plus en plus à Montréal. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça que le gouvernement du Parti québécois a choisi son immigration. Je dis pas de la changer. Je dis juste d'être cohérent. D'un côté, on dit que le voile, ça suffit. Mais de l'autre, on privilégie l'immigration maghrébine. De pays musulmans. De pays musulmans, parce que le français, c'est une obsession. Comme si les Colombiens, les Mexicains pouvaient pas apprendre le français. Écoutez, moi, j'en connais. Il va avoir un accent, puis ça va être fatigant, puis ce sera pas des bons français qui parlent bien le français. Il y en a qui ont appris le français en 2 mois, là, avec une bonne petite saucette, dans des cours structurés qui ont de l'allure. Tu te fais un chum, tu te fais une blonde qui parle français, puis goodbye la parade. Mais mieux que ça. T'es intégré. Moi, dans le village d'où je viens, mon village natal. Oui. Plessisville. Non, mon vrai village, là, c'est Notre-Dame de Lourdes. OK. À quelques kilomètres de Plessisville. C'est petit. C'est un mini village. Il doit avoir 600-700 habitants à Notre-Dame de Lourdes. Les autres, qu'est-ce qu'ils se disent le matin en entendant ça? Non, mais écoute, l'histoire, il y a, une famille de Chine qui a acheté le dépanneur. Il faut le faire, là. C'est faut le faire là. Oui. Dans un mini village là, il y a une rue qui s'appelle la rue principale. OK? Eux autres là, ils l'ont appris le français là. Hein? Donc, ils ont un accent, un fort accent. Des fois on se répète, tout le monde va au dépanneur là, t'as pas le choix là. Ils l'ont appris le français. Comment il s'appelle le dépanneur? Dépanneur de Lourdes, je pense, mais je suis pas sûr que c'est Internet, là. Je gagerais pas une pièce là-dessus, là. Ah, t'aimerais ça les appeler? Ouais. Bon, du coup, regarde, cherche, là. Dépanneur à Notre-Dame de Lourdes. Dépanneur de Lourdes, là, je pense. Il y en a un. C'est lui. Comment il s'appelle, monsieur? Je sais pas. Écoute, c'est arrivé quand moi, j'habitais plus là depuis plusieurs années, là. Mais à chaque fois, je vais au dépanneur, puis quand je demande mon journal ou mon paquet de cigarettes, elle me répond en français, là. Puis c'est sûr que c'est pas un français impeccable. Puis c'est sûr que quand ils ferment la porte puis qu'ils dînent entre eux autres, ils parlent en mandarin probablement, là. Mais il y a eu une adaptation. Tu sais, c'est pas impossible, là. Mais c'est pas impossible. Mais nous autres, on mise sur des... on capote, on fait une fixation. Pour que ça parle en français, quand parle ils en mettent français, les pieds ici, c'est là. Ça, c'est ça. Bon, mais en faisant ça, on encourage une immigration religieuse. Tout à fait. Ça vient c'est avec. C'est ça mon point. C'est mon point depuis le début, c'est ça. C'est tout. C'est mon point depuis le début, c'est incohérent. C'est incohérent. D'un côté, on équitait le désert en disant « ça suffit le voile ». Il y a des gens qui pensent encore et qui vont penser demain qu'ils verront plus de voile, là. Et surveillez ça. Dans 1 mois, 2 mois, vous allez avoir du monde encore qui vont faire des commentaires à l'effet que ça n'a pas de bon sens, la charte n'a rien réglé. Ben oui, mais je vous annonce que ça ne réglera rien, charte. Parce qu'il n'y en a pas de problème de fonction publique avec les signes ostentatoires. Il n'y en a pas de problème. Les accommodements, c'est autre chose. Faut serrer à la vis. Je suis d'accord là-dessus. Mais sur la lubie de penser que ça va régler, parce qu'il y a des gens qui pensent ça. Mais oubliez ça. Et le vrai nœud du problème, c'est l'immigration du Maghreb. Si vous en voulez, bravo. Bravo. Par contre, si vous voulez changer la configuration de la patente, ben, c'est là qu'il faut jouer. C'est là-dedans qu'il faut jouer, là. Avec le PQ, passez de courage pour jouer là-dedans. On continue de jouer la carte là, du français. Ça prend des gens français, donc c'est grand. Si on lâche là-dessus, ne veulent pas jouer là-dedans, parfait. Donc, font preuve d'électoralisme à cet égard-là. Ben oui. Ben, à tous les égards. À tous les égards, ouais. Exact. Donc, on continue d'écouter David. Oui.